Vous écoutez un podcast Galaxy Pop, explorateur d'univers, vecteur d'émotions. La flamme vacille, les ombres dansent, le voyage continue. Dark Souls 2. Je suis retourné à Majula, mais pas pour y rester. Ce lieu figé dans le temps, suspendu entre mer et falaise, est un refuge sans promesse, un point d'ancrage où le temps semble s'être arrêté. Un endroit où l'on vient s'asseoir, regarder l'horizon, espérer. Mais Majula ne soigne rien, elle ne guérit pas les plaies, elle ne fait que retenir ceux qui vacillent. Je sens encore ce poids au creux de ma poitrine, comme un souvenir tenace. Une fatigue ancienne qui refuse de se dissiper. Partir de Majula, c'est quitter un dernier refuge, un souvenir que l'on porte mais qui ne dissipe pas la douleur. Le soleil, toujours figé au-dessus de l'horizon, éclaire cette côte oubliée comme s'il refusait de tomber. Je pars pourtant vers ce château immense qui se dresse plus loin, vers Dranglake. Et cette fois, j'ai traversé la croisée des chemins et atteint le sanctuaire de l'hiver. Il faut un certain nombre d'âmes pour passer, comme si l'on ne méritait d'avancer qu'après avoir suffisamment tué. Vaincre pour ouvrir les portes du monde, un rite initiatique, cruel, un filtre durci par la mort et la lassitude. Le tunnel s'étire devant moi, froid et étroit, un ventre de pierre qui avale la lumière. Je m'enfonce dans ce couloir étouffant où chaque son se perd dans l'obscurité. Le silence est lourd, pesant, presque tangible. Je sens la fatigue m'étreindre, comme une main invisible qui serre la gorge. Le poids du monde semble s'écraser ici sur mes épaules. Pas d'air libre, juste ce passage sombre entre deux mondes, un entre-deux sans promesse. Je marche, la tête basse, parce que je dois avancer, même si je ne sais pas où je vais. Les gouttes d'eau tombent en cadence, comme le tic-tac sourd d'une horloge qu'on ne veut pas voir. Un long soupir m'échappe. Seul son qui ose briser ce silence funèbre. Soudain, un changement brutal. Le ciel se ferme, la pluie tombe comme un verdict, et Dranglake se dresse, immense, figé, vide. J'ai pensé à Disneyland et Pirates des Caraïbes. La transition est trop visible, trop forcée. Une illusion de grandeur, un décor trop bien dressé pour être vrai. Ce château, avec ses tours élancées et ses murailles imposantes, ressemble à une scène mise en place pour un spectacle que personne ne viendra applaudir. Un mirage d'un pouvoir passé, un monument à une gloire fanée. Le château est mort, mais il veut encore qu'on le craigne. Le chemin jusqu'aux portes est gardé par les statues, immobiles, mais pas vides. Elles attendent, des âmes, du sang, le carburant nécessaire à l'ouverture. You are a guest of our castle. I am the Chancellor, Velaga. This castle is the domain of King Vendrick. His Highness, where has he gone? Wellager, le majordome spectral, nous attend dans le hall. My lord, the king has... The queen has taken him. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished the four great ones. And built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. Il parle d'un roi absent, d'une reine présente. Il ne se demande pas qui je suis. Il sait déjà que je suis là pour aller jusqu'au bout. Les statues du hall s'animent au contact des âmes. 8 sentinelles des ruines m'attendent dans une salle sans échappatoire. Ce n'est plus un test, c'est un rite. On me met à l'épreuve, non pas pour savoir si je peux réussir, mais pour que je me convainque que j'en suis digne. Chaque coup porté résonne comme un écho de tous ceux que j'ai déjà portés. Je me bats, non pas pour la victoire, mais une fois encore pour ne pas sombrer. Sous l'arène des sentinelles, je trouve un homme, ou plutôt un vestige, Grandal encore. We meet again, young undead. You have the look of a true seeker. I am Dark Diver Grandal, seeker of dark, giver of dark. If you seek true dark, I will grant it to you, as much as you desire. Il m'invite à rejoindre sa quête, un gouffre, une fin plus profonde que toutes les autres, mais pas maintenant, plus tard. Je pourrais m'arrêter là, mais le château continue. Toujours plus de salles, toujours plus de couloirs, toujours plus de gardes. Je traverse une salle au mur orné de fresques usées. Une peinture attire mon regard, immense, pesante, Nashandra, la reine. Son visage, figé dans le temps, me transperce comme un glaive glacé. Elle incarne une beauté froide, une puissance corrompue, un pouvoir dont le reflet est plus sombre que la nuit. Sa présence est une promesse et une menace à la fois. Elle ne parle pas, mais son regard impose déjà le poids de 1000 trahisons. Lorsque l'on passe à côté du tableau, sa malédiction nous tombe dessus comme une masse de plomb. Puis elle apparaît devant moi, réel. Sa voix est douce, son sourire faux. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, queen of Dranglake. Brave undead, your arrival here foreshadows your fate. Elle parle de trône, de droit, de destin, de grandeur. Elle me regarde comme on regarde un outil, une pièce sur un échiquier trop vaste. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, he was less of a king than you might imagine. He found the strength to rule his people. And when the undead were born, cursed, he found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Je sens la manipulation sous chaque mot, la froideur cachée derrière la douceur. Tout ici est jeu d'ombre, un théâtre où la vérité se dérobe. And now he lies in the undead crypt, wasting away. J'avance encore un peu, une vaste salle remplie d'or, de coffres et de débris. Deux mondes dragons m'y attendent, une réutilisation, des échos vides et creux. Ils tombent comme des statues mal posées. C'est un combat un peu décevant, même en attendant peu. Mais avant d'aller plus loin, je m'arrête. Une pause, parce qu'il faut parler un peu d'obéissance. Dans ce monde, personne ne dirige vraiment. Les rois s'effacent, les reines mentent, les guerriers obéissent par raison, on se bat par habitude, et on suit une quête parce qu'on est dressé pour le faire. Et moi là-dedans, j'avance, oui, certes, mais dans quelle direction? Pour qui? Pourquoi? J'ai aucune cause à défendre, seulement l'élan. Et cet élan, parfois, ça suffit à tenir debout, comme je le prouve depuis le début. Bref, je reprends le chemin et viens à la salle du chevalier miroir. Le chevalier miroir m'attend sous l'orage, dans une salle à ciel ouvert, battue par la pluie et le tonnerre. Il est la perfection du geste, le héros d'un autre temps. Sa silhouette argentée brille sous les éclairs, majestueuse et parfaite. C'est un reflet cruel, une image en quelque sorte de ce que je suis devenu, ou ce que je pourrais devenir. Le duel débute sans haine ni rancune, seulement la lourde répétition d'un rôle joué mille fois. Chaque mouvement est chorégraphié. Il frappe, je pars, il enchaîne, je recule, le métal résonne dans l'air humide et rythme notre danse mortelle. La fatigue s'installe, la tension monte, chaque souffle devient plus court. Et pourtant, je suis un pantin habile. Un écho du monde d'avant, un fragment d'histoire sans origine. Et dans ce duel, il n'y a pas de haine, juste l'épuisement d'un rôle que l'on rejoue mille fois. Parfois, il invoque un pauvre air, un presque moi-même à travers son miroir. Le combat est pur, pas de ruse, pas de piège, juste du rythme. Il frappe, je pars, il enchaîne, je recule, il me domine, je l'admire. Chaque mouvement est chorégraphié, chaque coup claque comme une sentence. Et dans ce duel, le temps se suspend. C'est grand, c'est beau, et malheureusement, c'est inutile. Et quand il tombe enfin, je reste figé un instant. Ce n'est pas une victoire, non. Un miroir brisé, c'est 7 ans de malheur. Je m'incline presque car j'ai brisé ce fragment d'histoire. Mais je gagne, parce que il faut bien avancer, et pour avancer, il faut gagner. Après le combat, je descends plus bas, vers des profondeurs inconnues. L'air est frais, l'obscurité m'enveloppe à nouveau, différente cette fois, plus dense. Je trouve un feu, premier refuge dans cette obscurité. Je m'assois, le crépitement rassurant m'entoure. Un instant suspendu, un souffle calme avant la suite de la route. J'ai tout affronté, pas par foi, ni par curiosité, mais parce que m'arrêter serait pire. Et à défaut d'être noble, eh bien c'est déjà une petite victoire. Et moi, je suis toujours là. Pas plus fort, certes, mais plus lucide.